إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. عباد الله، أحبتي في الله، إن الله سبحانه وتعالى ألف بهذا الدين العظيم بين قلوب المتنافرة والنفوس المتعادية، فأصبح أهله إخوة في الله متحابين متعاونين على طاعة الله سبحانه وتعالى، يجمعهم دين الله تعالى. وهذه نعمة عظمى يجب على كل مسلم أن يكون على ذكر لها وأن لا يغفل عنها. قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأهل الإيمان كالجسد الواحد، غايتهم واحدة وهمومهم مشتركة وآمالهم واحدة، يجمعهم عبادة رب واحد بالاستسلام له والإخلاص في العبودية له والانقياد لأمره واتباع شرعه والاقتداء برسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا روى أبو موسى رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعي، متفق عليه. وعن نعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد كالسهر والحمى، متفق عليه. فهذه الأحاديث عباد الله وما جاء في معناها تدل دلالة ظاهرة على وجوب التضامن بين المسلمين والتراحم والتعاطف والتعاون على كل خير، وفي تشبيههم بالبناء الواحد والجسد الواحد، ما يدل على أنهم بتضامنهم وتعاونهم وتراحمهم تجتمع كلمتهم وينتظم صفهم، والمسلمون يسلمون ويسلمون المسلمون من شر عدوهم. وهذه الأخوة التي تجمعهم شأنها ومكانتها أعظم من أخوة النسب، لأن الجامع فيها دين الله، والرابطة فيها عبادة الله، والغاية منها نيل رضا الله عز وجل. ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يرعى لهذه الأخوة حقها، وأن يعرف لها مكانتها، وأن يحفظ حرمتها، وأن يتحاشى كل أمر ينقضها أو ينقصها. ولهذا روى أبو هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هنا. ويشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. وأذكر نفسي بحديث عظيم ومخيف عن المستورد ابن شداد، وهذا الحديث رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد، وقد صححه أهل الاختصاص. روى الإمام البخاري في أدب المفرد عن المستورد ابن شداد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، واسمعوا إلى هذا الحديث، قال: من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. رواه البخاري في الأدب المفرد. في شرح هذا الحديث: الأكلة بمعنى الطعام الذي يؤكل، والمعنى أن يجعل عرض أخيه وسيلة لأكله بأن يقع مثلا في عرضه أو يسيء به أو يصفه بصفة سوء عند عدو له لينال بذلك مالا أو جاها أو مكانة أو رئاسة. وهذا فيه التنبيه على حرمة المسلمين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. فإذا كان المرء لا يبالي في طعامه وشرابه أن يحصله ولو على حساب الجناية على أخيه المسلم، فأين الأخوة الإسلامية؟ وأين معاني الخير؟ وأين معاني الخير؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، بمعنى فالله سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك بالنار، فيطعمه يوم القيامة من طعام النار، فتكون هذه الأكلة التي أكلها وبالا عليه يوم القيامة حيث يأكل مثلها من نار جهنم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، أي كسي ثوبا بحيث يكون قد نال هذا الثوب أو هذه الكسوة أو الكسوة أو هذه الأعطية أو هذه الأعطية بسبب وقوعه في أخيه المسلم. وهذا ليس للحصر، مثاله أيضا لو أن شخصا نال رئاسة أو ولاية أو غير ذلك بوقوعه في عرض أخيه المسلم انتقاصا له واغتيابا له أو نميمة أو غير ذلك، غير مبال بحرمة أخيه المسلم، فقد يحصل عرضه الذي أراده لكنه يبوء يوم القيامة بالخسران، فإن الله سبحانه وتعالى يكسوه من جهنم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث: ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة، أي نال من رجل مسلم من قدره ومكانته بأن يقلل من شأنه في الولاية أو يقلل من شأنه في العلم وهو ليس في ذلك ناصحا لله ولدينه ولعباده، أي ليس غرضه النصح وإنما غرضه من هذا الرياء والسمعة والشهرة، كأن يطعن مثلا في عالم وقصده بذلك أن يبرز نفسه، والله عليم بنيته وسيقيمه يوم القيامة مقام رياء وسمعة، وهذا لا يظهر للناس شيء منه، لكن الله عليم بالصدور، فإن نال من أمير أو من عالم أو من تاجر مسلم ناصح حتى تكسر سوقه ويكون له هو الشأن، فغرضه ليس النصيحة وإنما غرضه الرياء والسمعة وأن يحمد ونحو ذلك من المعاني. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. وقد يكون مثلا شخص في ولاية ما ماضيا بها على استقامة والسداد فينال منه شخص من أجل أن يسقطه من الولاية مع أنه أهل لها ولم يقم بذلك نصحا وإنما قام به مقام رياء وسمعة فهذا ظلم لهذا الشخص من جهة. ومن جهة أخرى أن من فعل هذا الأمر قد قام مقام رياء وسمعة يعاقبه الله أن يقيمه يوم القيامة مقام رياء وسمعة فيفضحه على رؤوس الأشهاد. وهذا الحديث يذكرنا بقصة رواه الإمام البخاري في قصة سعد بن أبي وقاص لما كان واليا في العراق. وإذا اتسع الوقت سنذكر هذه القصة بعد الترجمة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم لكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله chaque croyant chaque croyante, on va évoquer un sujet d'une immense importance aujourd'hui et je vais vous faire partager un hadith immense, un immense rappel de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'importance de la fraternité. Malheureusement, le temps est très court, donc je ne pourrai pas tout traduire mot pour mot. Le sujet est expliqué d'une manière très détaillée par de grands savants, surtout les récits et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnés. Pour résumer, Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés et gratifiés d'un bien immense, qui est la fraternité. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait des croyants des frères, ce qu'on appelle al-ukhuwa. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ce bienfait. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie des plus grands bienfaits dont il a comblé à l'époque les Arabes de la péninsule arabique et d'une manière générale les êtres humains, alors qu'ils étaient des ennemis, qu'ils étaient divisés en tribus et en clans. Allah subhanahu wa ta'ala a réuni leur cœur et a fait d'eux des frères. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ce bienfait en nous disant وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah alors que vous étiez des ennemis, Allah a réuni vos cœurs et a fait qu'ensuite vous êtes aimés. C'est ça la fraternité, c'est le fait de s'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que les gens qui ont l'iman, ceux-là, alors ces gens-là deviennent comme un seul corps. Kaljasadil wahid, rayatuhum wahida, leur but est unique, ils ont un seul but, wahumumuhum mushtarika, et leur souci est partagé, leur angoisse, leur tristesse, leur chagrin est partagé, ils adorent un seul Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui les a réunis? C'est l'adoration de leur Créateur, subhanahu wa ta'ala, et le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la fraternité est un bien immense. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous concrétise cela dans un exemple en nous disant Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Les croyants sont pour les uns les autres comme un édifice. Sont comparables les croyants à un édifice. Vous avez vu les briques, comment elles sont posées les unes contre les autres et elles se supportent. Donc le prophète nous dit les croyants sont comme un édifice, comme les briques se supportent lors de la construction d'un édifice. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, exhortait les croyants dans de nombreux récits à préserver ces liens fraternels. C'est pour ça que certains savants, un grand savant contemporain, parmi les grands enseignants de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'heure actuelle, il dit une très belle faïda sur les hadiths, lorsqu'il a commenté les hadiths concernant la fraternité, il dit cette fraternité qui unit les croyants, son affaire est tellement grande qu'elle est plus grande que la fraternité liée au sang. La fraternité liée au sang. Pourquoi ? Parce que la fraternité familiale, c'est un lien de sang. Tandis que cette fraternité-là, c'est une fraternité pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour la religion, par obéissance au Créateur subhanahu wa ta'ala. وَلِهَذَا كَانَ وَاجِبًا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَرْعَى لِهَذِهِ الْأُخُوَ حَقَّهَا. Pour ça, les savants disent, pour ça, tout croyant doit donner la pleine mesure à cette fraternité et pratiquer cette fraternité, qu'elle soit dans le cœur et à travers nos actes, de concrétiser et mettre en apparence cette fraternité. Pour cela, je voulais vous faire partager un hadith. Écoutez bien ce récit. Ce récit-là, il est rapporté par un homme qui s'appelle Mustawrid ibn Shaddad, qui rapporte directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith-là, je vais vous traduire le sens, pas littéralement. Je vais vous traduire, pourquoi ? Parce que si on fait, il faudrait faire une traduction littérale, ensuite faire une explication, et ça peut prendre du temps. Donc je vais vous expliquer directement le hadith pour qu'on puisse conclure rapidement. Ce hadith est immense, il demande des assises et des conférences. Dans ce récit qui est rapporté, vous savez, l'imam al-Bukhari a l'authentique, son livre, qui est une compilation de hadiths authentiques, mais il a un autre livre qui est célèbre sur le comportement, ce qu'on appelle Al-Adab al-Mufrad. Et l'imam al-Bukhari a cité ce hadith-là dans son livre Al-Adab al-Mufrad. Écoutez bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man akala bi muslim ukla » Je vais vous le dire avec une expression française. Je vous le dis avec une... C'est pas littéral, mais c'est une expression française pour bien qu'on puisse comprendre. Sinon, littéralement, ça prendrait du temps et on comprendra peut-être pas le sens forcément. Celui qui mange sur le dos de son frère. Je vous dis littéralement avec notre jargon à nous en français. Celui qui mange sur le dos de son frère. Allah fera qu'il sera nourri par le feu de l'enfer, le jour de la rétribution. Et celui qui s'habille sur le dos de son frère, alors il sera revêti et habillé, le jour de la résurrection, par un habit de feu. Et celui qui prend la place de son frère, le rang de son frère, par ostentation, et soumaa, fa'inna Allah yaqumu bihi, Allah fera qu'il prend une place d'ostentation et de soumaa le jour de la résurrection, c'est-à-dire qu'il sera dévoilé. Alors l'imam al-Bukhari, très rapidement, quel est le sens de ce récit ? Les savants ont dit dans l'explication, c'est un hadith immense, celui qui obtient sa nourriture, la première chose qui est citée, celui qui obtient sa nourriture. Moi j'ai dit avec une expression française sur le dos de son frère, c'est-à-dire que le sens c'est, il obtient sa nourriture en touchant le nord de son frère. Il a obtenu ce qu'il a, sa nourriture, en touchant, en parlant sur son frère, en diminuant la valeur de son frère, en rabaissant quelqu'un, il a obtenu sa nourriture. Il sera nourri le jour de la résurrection par une nourriture de feu, min jahannam, par le feu. Et comme une personne, par exemple, il va obtenir sa nourriture en rabaissant son frère, en parlant sur lui, en le dévalorisant, en faisant riba ou namima. Ensuite, le prophète sallam dit فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمْ. C'est-à-dire, il sera nourri de la même manière dans le feu. C'est-à-dire que sa punition يُعَاقِبُ عَلَى ذَلِكَ بِالنَّارِ فَيُطْعِمُهُ مِيَمُ الْقِيَمَةِ بِطَعَامْ مِنَ النَّارِ. De la même manière, le jour de la résurrection, il sera puni dans le feu par une nourriture de nar, de feu. Ensuite, le prophète sallam dit celui qui est habillé, qui est revêtu, sur le dos de son frère, c'est notre expression. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Yaksuhu min jahannam » Il sera habillé le jour de la résurrection dans le feu, par le feu. C'est-à-dire, les savants ont dit, il obtient son vêtement, comment ? Comment il a obtenu son vêtement ? En touchant l'honneur de son frère. Il obtient son vêtement en touchant l'honneur de son frère. Ensuite, les savants, dans l'explication, donnent de nombreux exemples. Je passe à la fin du récit. Le prophète ensuite dit ومن قام برجل مقام رياء وسمعة. Ensuite, la troisième catégorie, troisième chose citée, celui qui va prendre le rang de son frère. C'est-à-dire, قِلَ فِي الشَّرْحِ dans l'explication, نَالَ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَدْرِهِ وَمَكَانَتِهِ. Alors que son frère avait un poste, avait un rang, avait une certaine valeur. Lui, il va dévaloriser la valeur de son frère. Il va rabaisser son frère. Il va le dénigrer jusqu'à le discréditer. Le discréditer. Et de ce fait, il ne fait pas cela par conseil pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il veut du bien pour son frère et autrui, mais il fait cela par ostentation. Il fait cela pour rabaisser l'autre, pour se mettre lui en valeur. Et ces choses que je viens de citer, ça nous arrive souvent, parfois chaque jour. C'est un hadith qui est immense, pourquoi ? Regardez ce que les savants disent. Il dit alors, il va toucher l'honneur de son frère. Alors si par exemple son frère est savant, a de la science, il va le rabaisser, remettre en cause cette science, pour qu'auprès des gens, cette personne est dévalorisée. Le prophète Sansem nous explique que cette personne sera dévoilée Yom al-Qiyama. Ou bien, cette personne a un rang dans la société, il a une autorité, ou bien il a une autre fonction, il va le rabaisser par derrière, il va le dénigrer par derrière, jusqu'à le dévaloriser, le discréditer auprès des gens. Il sera dévoilé Yom al-Qiyama. Pourquoi ? Parce que le prophète Sansem dit, les savants dans l'explication disent, personne ne connaît l'intention de l'individu. On ne peut pas rentrer dans les cœurs des gens, mais Allah sait que cette personne ne le fait pas nusran, par conseil pour la personne, mais le fait par ostentation. Il le fait par, comme on dit, riyan wa suma. Et Allah sait cela. Donc cette personne sera dénigrée yawm al-qiyama et dévoilée yawm al-qiyama. Comme ça s'est produit à l'époque de Omar. Il y avait un célèbre compagnon, Sa'd ibn Abi Waqqas. فشك أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي فقال أبو إسحاق. Vous savez ce récit que je vous rapporte, je vais vous le dire très rapidement en arabe, je conclue, et ceux qui veulent rester pour la traduction de cette histoire qui s'est produite à l'époque de Omar. À l'époque de Omar, Omar avait mis un célèbre compagnon, Sa'd ibn Abi Waqqas, comme gouverneur de Al-Kufa. Des gens sont venus et l'ont dénigré. Ils ont dit à Omar, « Ya Omar, il prie mal, il dirige mal la prière. Sa'd, il n'est pas juste. » Alors Omar ensuite l'a destitué. Mais ensuite, Omar a demandé aux gens, pour voir ce qui lui a été rapporté, est-ce que c'était vrai. Jusqu'à ce qu'ils vont se rendre compte que c'était faux. Et Sa'd ibn Abi Waqqas a fait l'invocation contre un homme qu'il avait dénigré, et je vous dirai qu'est-ce qui est arrivé ensuite. Pour ceux qui veulent rester après, khutbatul jumu'a. Faqala fa arsala ilayhi fa qala ya abu ishaq inna haula yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli qala abu ishaq amma ana wallahi inni kuntu usalli bihim salata rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ma akhrimu anha usalli salata al-isha fa arkudu fi al-ulayayni wa ukhifu fi al-ukhrayayni قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقال رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن وعرضه بالفتن وكان بعض إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد وقال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر وإنه يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن يغمزهن. أقول ما تسمعون، أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا جميعا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.